Le rap me met des pierres dans l'assiette, mes gars me mettent des bâtons dans les roues. Quand on parle d'intérim, j'ai la flemme comme ce mec qui m'engraine à les roues. On rêve tous d'évasion, tu parles de quitter le battle, mais pour aller où? On marche tous en équipe, mais jamais solidaire, c'est des chiens, pas des loups. Objectif avant la calvache, il me faut du minerai plein les fouilles. Les clés qu'on ça vous fournir pour pouvoir se faire couler des douilles. On parle de faire des dingueries, ta mère pleure, ça te fait pousser des couilles. J'oublie jamais de remercier Dieu quand un lance de poulet je débrouille. Tu veux savoir si je te parle à jeun? Car regarde le ticket de caisse. Mais les gars qui tu racontes tes histoires, il est rare que les murs de la cité se taisent. Retire ta patte sale de mon épaule, s'te plaît ravale ton savoir. Me raconte pas tes problèmes avec ta daronne, t'en parle-moi sans savoir. Mes rêves n'ont plus de sens, la nuit j'y pense, je ne dors plus. Les je t'aime de maman valent bien plus que leur fortune. Que suis-je devenu quand on sait qu'un nouveau né sort pur? Les mains tachées par le passé croisé, mon reflet devient une torture. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Un litron d'amener sur la pookie. J'pense à mes prochaines vacances en Yota. Passe à la turban des raccourcis. Toujours une armurerie dans l'avocat. J'sais pas, ils lui font quoi s'il y a un type cap à capter que les grands deals. T'as plus petit frère à l'école, mais t'envoies toujours l'argent pour la cantine. Ça met des pieds bouche en jean. Vole tes sopates en garde-offre. Chez nous on relativise, nous-mêmes la voix de Stallone, on dirait que c'est pas grave. J'sais que les gens c'est des bâtards, moi j'regrette pas le pain donné même aux ingrats. Personne pour cave à la barre, leur offre chez nous, tu fais ta peine comme un brave. Ouais, t'as capté tout fixé, mon brave. Depuis tu peux, j'prends la bibi comme un travail. T'as cher, t'as cru que t'avais un pare-balles. Prends garde à qui tu klaxonnes, à qui tu parles mal. Refrain, dis-moi, ça sert à quoi d'être libre si tu fais de la peine comme un central? Ça te parle de plat, vent de l'indor, de litron, après ça te demande un 100 grammes. Mes rêves n'ont plus de sens, la nuit j'y pense, je ne dors plus. Les je t'aime de maman valent bien plus que leur fortune. Que suis-je devenu quand on sait qu'un nouveau né sort pur? Les mains tachées par le passé croisé, mon reflet devient une torture. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède. Je veux pas finir à une tour à deux chiffres. Y'a personne qui m'aide face à la hasse, la faut être inventif. Aucun remède, aucun remède. Même pas ma baraque au bled. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède. Aucun remède, aucun remède, aucun remède.